C'est pas carré, hein. Patient. Hein. Moi j'ai jamais compris. Ah, là ça va être synchro. C'est toujours les mêmes rythmes. C'est toujours le même rythme. C'est toujours la même batterie. Que je préfère les vrais batteurs. Moi. Télécaster. Elle est contente aujourd'hui. Elle était à côté de la lag. Elle se disait putain, il me prend plus. Elle était caster un peu capricieuse. C'est bon, c'est bon. Attends, je reviens, j'ai un problème. Qu'est-ce qui s'est passé?